Je disais donc, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, une habitude, un aléa technique dans Nuisance. Évidemment, c'est à cause du matériel de Canal Sud, évidemment. Le matériel de Canal Sud est d'une pourriture infâme, infâme matériel. Je déteste le matériel de Canal Sud. J'en ai marre de gueuler après, donc je vous le dis carrément en face, et c'est votre faute. J'en ai ras-le-bol de votre matériel de merde. Alors vous allez m'écouter maintenant. Vous allez m'écouter et faire tout ce que je dis. Ah ouais, d'accord. Et maintenant, vous allez vous taire. Voilà. Parce que finalement, hein, vous voyez ce que je veux dire finalement, hein? Thank you. Thank you. Thank you. fasse pas chier. Puis c'est sur la sciure, puis sage au passage. Pourtant, bizarrement, la vie s'achève sans un autre. D'un instant à l'autre, on crève. Crever d'abcès demain, se finir, s'achever, se libérer, se lâcher dessus. Se chier dessus, se pisser, éjaculer, mouiller, usure. Je ne vois toujours pas la façon de te dire merde, putain. Savoir est une question si répandue, on ne saura jamais rien. Pourtant, de l'instant à l'autre, la vie se finit. Que une chat, milkshake, voilà. C'est tout ce qu'il y a. La voix, la vie se mincit. Mourir, d'enfant, important, demain, de chien, toi. Vivre, c'est fort, c'est tordu, c'est usé, comme le savoir. Repasser après l'onction, comme le moi, dans le sol, et qu'enfin, passe, on dépasse le souci. Je déciderai. Comment finir? Do not the way, not today, the day, but not tonight, the night. Que bitch chat, milkshake, ouais, tout ce qu'il y a. Là, voilà la vie qui se mincit. Que bitch chat, milkshake, ouais, tout ce qu'il y a. Là, voilà la vie qui se mincit. Que bitch chat, milkshake, ouais, tout ce qu'il y a. Là, voilà la vie qui se mincit. Nous espérons toujours que vous allez être la meilleure vie. Le livre des fous de Bob Duncan, acquis pour Fort Vieux, non fou, non insane. Couleur d'Oamazou à Galalal, privé, vendredi, 08 millions, 2012, 13h30, je suis foutu,

Je suis un peu plus de temps.